Guillaume et Landry travaillant à l'étude. Guillaume. Il me semble que Fortunio n'est pas resté longtemps à l'étude. Landry. Il y a gala ce soir à la maison, et Maître André l'a invité. Oui, de façon que l'ouvrage nous reste. J'ai la main droite paralysée. Il n'est pourtant que troisième clerc. On aurait pu nous inviter aussi. Après tout, c'est un bon garçon. Il n'y a pas grand mal à cela. Non, il n'y en aurait pas non plus si on nous eût mis dans la noce. Quelle odeur de cuisine! On fait un bruit là-haut. C'est à ne pas s'entendre. Je crois qu'on danse. J'ai vu des violons. Au diable les paperasses, Landry. Je n'en ferai pas davantage aujourd'hui. C'est une chose, Guillaume. J'ai quelque idée qu'il se passe du mystère ici. Bah, comment cela? Oui. Tout n'est pas clair. Et si je voulais un peu jaser? N'aie pas peur, je n'en dirai rien. Tu te souviens que j'ai vu l'autre jour un homme escalader la fenêtre. Qui c'était? On n'en a rien su. Mais aujourd'hui, pas plus tard que ce soir, j'ai vu quelque chose, moi qui te parle. Et ce que c'était, je le sais bien. Qu'est-ce que c'était? Conte-moi cela, Landry. J'ai vu Jacqueline, entre chien et loup, ouvrir la porte du jardin. Un homme était derrière elle, qui s'est glissé contre le mur et qui lui a baisé la main. Après quoi, il a pris le large et j'ai entendu qu'il disait « Ne craignez rien, je reviendrai bientôt. » Vraiment, cela n'est pas possible, Landry. Je l'ai vu comme je te vois. Ma foi, si elle en était ainsi, je sais ce que je ferais à ta place. J'en avais attiré Maître André, comme l'autre fois, ni plus ni moins. Cela demande réflexion, Guillaume. Avec un homme comme Maître André, il y a des chances à courir. Il change d'avis tous les matins. Entends-tu le carillon qu'ils font, Landry? Paf, les portes, clip, clap, les assiettes, les plats, les fourchettes, les bouteilles. Il me semble que j'entends chanter. Oui, c'est la voix de Maître André lui-même. Pauvre bonhomme, on se rit bien de lui. Viens donc un peu sur la promenade, Landry. Nous serons tout à notre aise. Ma foi, quand le patron s'amuse, c'est bien le moins que le clerc se repose. Ils sortent.